Bienvenue à Babylon City. Marionnette du système, depuis la naissance, on te prend par le cordon ombilical. Les dieux sont multiples, mais la connerie est universelle, peste médicale. La rue, c'est le clown qui joue avec ton enfant, le dévore, recrache une pierre qu'on bat. Pour quelques balles, pour quelques dessous de table, je tue les pédales. L'opète, les bons rappeurs sont des mauvais poètes, malhonnêtes. Je dessine des cibles sur les commissariats. Agra, je baisse les gendarmes. Je suis métisse blanc chez les noirs, noir chez les blancs. Mais ma planète, c'est si un caf en mer, je viole sa femme, sa soeur, sa fille. J'ai le crime au fond de moi, je suis camé, calé dans mon canapé, affalé. Tu niques pas l'état, chien de paille. Le seul moyen est de brûler les billets de Babylon City. Si vous êtes déjà mort, enterré de vos funérailles, vous criez de Babylon City. Mesdames et messieurs, bienvenue à Babylon City. Mes tatouages à l'acide arraché. J'ai vu toute la salive du rap français sur la queue de Pierre Bélanger. Je sens l'odeur de la mort dans les banlieues grises où les enfants morts nés clignotent quelques heures puis s'éteignent dans la différence. Tu diras qu'il n'y a plus de souffrance. Les pousses de marijuana, j'aime ça et là dans la poussière des usines. Envie de se shooter, de se doper, coquer, craquer, LSD comme chez Fessy.